Bonjour à tous. Je suis Maxime, médiateur culturel au musée. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette rencontre avec les artistes. Avant de commencer, j'aimerais déjà remercier très chaleureusement Mylène et Florence, qui nous font le plaisir d'être ici cet après-midi. La nouveauté justement avec cette exposition Secrets de Fabrique, c'est justement de pouvoir rencontrer les artistes. Alors si maintenant c'est monnaie courante dans les musées et les galeries, pour nous c'est une première. C'est la première fois au musée Paul Dini que nous organisons une rencontre avec les artistes, en tout cas une rencontre vraiment aussi longue et personnalisée, puisque là l'idée aujourd'hui c'est de pouvoir découvrir l'univers foisonnant et intrigant de Mylène et de Florence. On a déjà eu une première rencontre qui a eu lieu le samedi 9 avril avec Christine Guinamant et Jérémy Liron. Aujourd'hui, Florence Dussuyer et Mylène Sanchez. Et puis, jeudi prochain, vous avez aussi une dernière rencontre avec Delphine Ballet, Isabelle Jarousse et Marie Morel. L'idée de ces rencontres et même de cette exposition Secrets de Fabrique, c'est d'aller un peu au-delà de ce que nous pouvons dire en visite, de rencontrer surtout les artistes, savoir ce qui se passe dans leurs ateliers. C'est même penser jusque dans la scénographie, puisque, on en parlera tout à l'heure, les artistes ont choisi également des objets personnels, des objets inspirants qui les aident à réaliser leurs œuvres. Voilà. Ceci étant dit, on va tout de suite rentrer directement dans le vif du sujet, en souhaitant à nouveau la bienvenue à Mylène Sanchez et à Florence Dussuyer. Comment ça va se passer aussi, je donne une petite précision, on a une heure d'échange sur des questions que nous posons en amont, mais évidemment, rencontre avec les artistes, vous aurez aussi un moment d'échange. Si vous avez des questions, on pourra en profiter tous ensemble tout à l'heure. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rencontre. Et tout de suite, je vais laisser la parole aux artistes. J'ai une première question. Finalement, s'il fallait... je vais m'asseoir, ça sera mieux. on est mieux comme ça. S'il fallait retracer des épisodes clés dans votre carrière ou les thématiques qui vous fascinent, pour commencer à présenter votre travail, lesquels seraient-ce ? Allez, je vais commencer. Pour le coup, ma carrière, elle n'est pas hyper longue, parce que j'ai été diplômée l'année dernière des Beaux-Arts de Saint-Étienne, donc je suis peintre, mais j'ai envie de dire que c'est en 2019, pendant mon Erasmus en Allemagne, que ça a un peu commencé, où j'ai pris conscience... Enfin, j'avais un atelier à disposition et c'était la première fois que j'avais ce rapport à l'artiste dans son atelier. Et donc j'ai vraiment commencé à avoir une prise d'autonomie. Mon travail a commencé à prendre un peu d'ampleur. J'ai commencé à travailler à l'huile. Et je pense que la série des fleurs a un peu commencé à cette période-là. Et donc je regardais pas mal de peintres flamands, je regardais Marlène Dumas, après c'était vraiment une période où j'avais pas l'habitude de travailler comme ça, c'était, j'avais beaucoup de temps pour moi, et assez peu de suivi, mais c'était encore mieux parce que ça m'a permis de prendre beaucoup de recul, et pas mal de travail parce que j'avais vraiment que ça à faire. Et je pense que ce qui m'intéressait dans la peinture, c'était ce qu'il y a d'abstrait dans le figuratif. Enfin, je regardais pas mal Gerhard Richter, je ne sais jamais si dont c'est flou. Enfin, c'est hyper figuratif, c'est presque photoréaliste. Mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment ces flous. Et pour moi, c'était de voir ce que la peinture donnait, vraiment quelque chose d'assez matériel, en fait. Et je ressentais ça aussi avec, par exemple, William Sassnell, où c'est vraiment de la peinture assez gestuelle. Et là, on se rend vraiment compte que la peinture, c'est de la couleur et de la lumière. Et c'est vraiment ça qui m'intéressait, d'essayer de vraiment avoir la peinture comme sujet, quoi. Plus que le reste. Oui. Bonjour. Alors pour mon parcours, c'est un peu plus chargé, naturellement. Je ne viens pas d'un milieu artistique à la base. Je n'ai pas tellement la culture dans ma famille et scolairement, c'est vrai que je ne m'épanouissais pas énormément au collège. Et donc après, j'ai passé un an et demi à l'internat à Villefranche en art plastique avec M. Boniel. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, mais voilà. Et donc c'était un enseignement vraiment riche. Et puis j'ai bifurqué parce que j'adorais l'architecture d'intérieur. En fait, depuis l'âge de 8 ans, j'adorais dessiner des plans de maison, compter avec mes pieds les espaces. Enfin voilà, chez les gens, j'aimais bien ça. Et bon, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'informatique, que ça n'allait pas forcément me convenir. Comme métier, et donc je suis allée ensuite à Saint-Étienne en art plastique, donc à la fac de Saint-Étienne. J'ai eu aussi un voyage au Vietnam, un court voyage finalement, mais qui a été vraiment déclencheur quand même pour moi, une sorte de saut dans le monde assez vertigineux, et la peinture peut le faire aussi, je pense. Donc voilà. Quand je suis revenue, je voulais travailler, donc j'ai passé le concours de l'UFM, j'ai enseigné ensuite 12 ans, principalement en ZEP à Vénissieux et puis sur Villefranche. Et en parallèle, je peignais quand je pouvais, donc... c'était pas, voilà, fallait trouver le temps, mais quand même. Et depuis 8 ans, oui, je fais que ça maintenant. Après, il y a la peinture et puis il y a le tour, donc des projets un peu divers. Le dessin, forcément, est toujours là. La sculpture, j'apprends la céramique. J'ai travaillé sur des robes en plâtre aussi. Donc je m'attelle à d'autres matières, des paravents, voilà, j'aime bien tester des supports différents. La danse, ça m'est un peu tombé dessus avec des projets qui me faisaient très envie de travailler, parce que le lien avec le rapport au corps dans ma peinture en tout cas est très présent. Et puis j'avais fait un stage d'ergothérapie. J'aimais bien aussi ce rapport aux soins dans l'art, qui me plaît toujours d'ailleurs, en tout cas dans des réflexions et voire plus. Après, les thématiques de travail, c'est en effet autour du féminin principalement pour moi, parce que c'est un sujet qui me touche et je pense que dans mon parcours de vie, c'est une inscription qui est très forte et que j'ai envie de creuser. Forcément, le rapport au paysage qui environne une personne ou est là aussi. Proust disait que tant qu'il n'avait pas déroulé le paysage qui l'entourait, il pouvait pas s'arrêter. Je peux vous lire exactement la phrase, mais tant que je n'aurais pas déroulé le paysage, mon regard n'aura pas abouti. Et c'est vrai que il y a quelque chose comme ça dans la peinture qui me fascine. Donc c'est autour de ces thématiques assez ouvertes. Mes sujets, c'était sur l'incertitude, sur le paysage ouvert, comme ouvrir un espace à de l'autre, aller tisser des liens. Donc voilà. Je travaille par série depuis un petit moment. Je suis partie des explorations à la fac sur les cartes routières, des matières assez douces avec des lignes, et puis ensuite sur des paysages, des grands formats. Le collage aussi avait son importance, et maintenant c'est plus la colle que le collage qui m'intéresse, mais quand même, c'est bon, ça rejoint les compositions de l'architecture, voilà, ça rejoint des choses comme ça. Et le rapport au tissu, alors ma famille vient de Tarare, donc il y a les mousselines, il y a tout un... J'ai travaillé en usine de textile, et puis il y a un rapport au toucher aussi, à la sensualité de la matière, qui fait partie de mon travail de peintre. Voilà, et puis donc après, j'ai des projets différents là, qui vont arriver avec un poète ou de l'écriture, des choses comme ça, en lien toujours avec cet ensemble, ce bain-là. Merci Mylène, merci Florence. Je vais quand même ajouter aussi une petite précision. Vous avez peut-être eu le temps de vous balader dans l'espace d'exposition, mais du coup, Mylène Sanchez a une section qui lui est consacrée ici avec ses très belles justement peintures de fleurs. On aura l'occasion d'en reparler, mais justement, c'est aussi la question de comment regardons-nous les fleurs aussi. Donc à chaque fois, les sections sont composées donc, de vitrines avec les objets des artistes, mais également un texte de présentation et aussi une citation, les mots personnels des artistes. Donc ça, c'est assez intéressant pour cette exposition. Et les œuvres de Florence, vous pouvez les admirer aussi juste derrière vous. Si vous vous retournez, il y a effectivement l'une des œuvres qui provient de la série des Endormis. Et puis Victoria aussi. La particularité de cette exposition, pourquoi avoir rassemblé ces 9 artistes, c'est qu'ils ont tous une œuvre au moins qui est rentrée dans les collections du musée entre 2019 et 2021. Et cette exposition est aussi complétée avec justement des prêts personnels des artistes qu'on a la chance d'avoir justement ici avec nous. Et justement, si on parle des œuvres, est-ce que parmi toutes celles que vous nous proposez ici aujourd'hui au musée, il y en a une ou plusieurs d'ailleurs qui vous ont posé quelconque difficulté? En fait, comment est-ce que vous envisagez le processus de création artistique? Est-ce que vous avez une petite méthode à vous, des rituels? Voilà, la question est ouverte en tout cas. Des rituels, je ne sais pas. Par exemple, pour ce qui est de savoir quand on finit une toile, je ne sais pas trop à quel moment elle est finie, mais je sais quand je suis allée trop loin. Et généralement, ce que je cherche, c'est de... Enfin, je me rends compte plutôt quand je revois mes toiles avec du temps, enfin, quand il se passe, je sais pas, par exemple 2 mois, sur le moment, je n'arrive pas à savoir si la toile se tient ou pas, mais c'est vraiment au bout d'un moment où, en fait, j'aimerais qu'elle témoigne de quelque chose, d'un temps qui s'est passé et qui s'en émane quelque chose, mais ça, je me rends compte vraiment plus tard, quoi. Et... Sinon, pour le rituel de préparer la toile, tendre la toile, l'encollage, ça me prend du temps. Enfin, c'est vraiment toujours les mêmes gestes, il faut être assez technique. Ensuite, pour peindre, généralement, c'est que de l'huile. Donc j'applique un gesso et ensuite je travaille vraiment en jus. Ce qu'on appelle des jus en térébenthine, vraiment très, très dilués, très transparents. Donc je commence par des couleurs claires, plutôt des jaunes, en ton uni. Et en fait, après, j'essaie de faire comme c'était des filtres photos avec les couleurs qui superposent pour à la fin créer quelque chose d'un peu plus réel. Donc faire du jaune, ensuite faire passer tous les bleus, ensuite les jaunes, et entre temps j'attends que ça sèche en respectant un peu la technique du glacis, mais je suis pas encore super au point, mais j'essaye de lire des manuels de technique pour me perfectionner. Mais c'est vrai que la peinture, ça échappe un peu, même quand on pense avoir l'air sec, il y a toujours un truc qui va pas, donc il n'y a pas de... C'est vraiment le même, je pense qu'au bout de... Même avec 20 ans d'expérience, je ne suis pas sûre qu'on soit les pros de la... Enfin, je ne sais pas. Tu veux rajouter? Donc, je crois que... Tu peux rajouter. Oui, sinon. Oui, mais en effet, c'est souvent des chantiers. Enfin, en tout cas, c'est difficile de savoir quand ça s'arrête... au niveau du travail. Alors, il y avait Marc Molk, je ne sais pas si tu as vu, mais il parlait du lien avec la peinture qui est comme une relation amoureuse, c'est-à-dire qu'on va donner, on va recevoir, et ce va-et-vient comme ça fait qu'à un moment, peut-être, où on l'a suffisamment nourri, je ne sais pas, voilà, il y a quelque chose comme ça. Moi, souvent, je m'arrête quand... Alors, ça m'est beaucoup arrivé quand je suis trop fatiguée, quand je ne peux plus. Le corps ne peut plus, en fait. Mais le démarrage, pour ma part, quand je travaille, c'est plutôt... j'ai de la matière, on en reparlera peut-être de la technique, mais c'est de la matière qui est lancée, qui est un peu lâchée, on va dire. Du pulsionnel sûrement, et après je la revisite, tout cet ensemble là plus ou moins contrôlé, et ça peut prendre plusieurs années. Je peux les laisser vraiment en attente si ça me suffit pas, ou parce que voilà, j'en ai beaucoup en attente en fait, et puis je travaille avec plusieurs tableaux en même temps souvent. Quand j'y arrive pas sur tous, voilà. Et c'est des moments moments où on tâtonne, où on racle. Enfin, je dis je racle. Oui, j'efface fortement. Voilà, je sais. On ne sait jamais où va la peinture. Finalement, il y a une part de temps. C'est vrai que le rapport au temps c'est très tendu. Ce rapport-là avec la peinture. Pour ma part, celui qui m'a demandé le plus de travail, c'est le grand format, forcément. Alors après, ça ne veut pas dire que ce soit plus intéressant, parce que Victoria, l'autre tableau est venu d'une manière assez fulgurante, et c'était à un moment où j'en avais besoin. Je ne sais pas si le temps fait les choses, si l'acte de peindre, parce qu'il y a aussi la pensée derrière... Mais si ce temps-là est plus efficace parce que c'est long ou pas, voilà. En tout cas, pour mon travail, y a souvent des questions de rapport à l'oubli de soi aussi dans la pratique, et qu'on retrouve dans le paysage que je peins. Il y a juste une accroche comme une prise d'escalade, enfin quelque chose qui vient, une tête qui suffit à indiquer une figure humaine. Et puis autour, tout ce qui peut venir, c'est souvent des tâtonnements, un travail un peu instinctif. Par exemple, les éléphants, là, c'est venu de la matière qu'il y a en bas à droite du tableau, où je me suis dit, là, je vais mettre un éléphant. C'est un tableau qui s'appelle « Séjours indomptables ». Et après, je me suis embarquée dans l'éléphant à essayer de travailler sur différentes figurations d'éléphants. J'avais un tissu, donc je suis partie aussi sur des motifs très enfantins. Mais c'est toujours assez spontané. Et puis après, il y a la composition qui demande plus d'attention, et souvent, moi, elle vient en dernier, en fait. Je sais que j'ai du mal avec la composition. J'aime peut-être plus être dedans que regarder. Je pense qu'on ne regarde pas beaucoup, en fait. Il me semble qu'on regarde beaucoup sa palette et ce qu'on va faire, mais il y a toujours ce rapport-là. Et quand je finis, je retourne le tableau parce que je pense que j'en peux plus, j'ose, et si je le regarde, c'est difficile parce que je sais que je vais vouloir le retoucher. Donc voilà. Et je voulais juste préciser, c'est vrai que rêver, c'est produire des images, et le travail de l'endormissement, c'est un état aussi, comme pour la peinture, où on est là mais sans être vraiment là. Il y a un rapport au monde aussi extérieur qui s'oublie. Et dans cette dualité-là, on se confronte à nous au milieu. Enfin, voilà, c'est très curieux comme sensation, mais ça vaut le coup de le vivre, je pense. Ouais. Je pense que la perte de contrôle est importante aussi. Ouais. On ne s'en rend pas compte, mais quand on a le nez dans notre peinture, on ne voit pas ce qu'on fait. Je pense que ce qui se joue, c'est vraiment le dialogue entre le peintre et en fait, comme tu dis, c'est presque une chorégraphie, quoi. Mmh. Tu viens poser, ouais, des choses, tu te mets plus loin, tu regardes de loin, enfin, tu regardes de près, mais c'est toujours super abstrait, enfin, en tout cas pour moi. Mmh. Ouais. Après, enfin, je pensais tout à l'heure quand tu disais pour terminer une toile, des fois, j'utilise, par exemple, pendant je sais pas, 4 heures, j'utilisais des pinceaux, essayer de faire des choses très précises, et au dernier moment, c'est tout effacé avec un chiffon. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est ce qui s'est passé, c'est que ça devait peut-être être comme ça et pas autrement. Mais je pense que cette question de vertige est importante. Merci beaucoup. À nouveau, c'est très enrichissant de voir ces artistes qui ont besoin d'être dans leur bulle pour créer en même temps. Enfin, bulle et en même temps, je pense qu'il y a tout un tas de questions qui nous échappent, qui doivent vous traverser les esprits sans doute. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours sympathique de pousser un peu plus la porte de l'atelier pour être avec vous. Justement, je rebondis sur ce que vous avez dit toutes les deux. Est-ce que finalement, la manière de peindre est toujours la même, ou est-ce que d'une toile à l'autre, vous allez changer la posture, la façon de présenter, soit travailler au sol, travailler justement au mur, comme je le disais? Est-ce qu'il y a un format qui s'impose un peu? Est-ce qu'il a une importance? Comment, dans le processus créatif, plutôt l'aspect technique, cette fois-ci, qu'est-ce qui vous motive? Généralement, je peins au mur ou sur chevalet quand je ne peux pas mettre au mur, parce que je trouve que c'est vraiment important d'avoir cette verticale, enfin frontalité. J'ai déjà essayé de peindre par terre, justement, au sol à Karlsruhe en Allemagne. J'étais pas du tout fière de moi, ça marchait pas, j'étais vraiment pas... La deuxième en partant de la droite a été faite au sol, mais c'est la seule. Et les formats, en fait, j'aime bien cette verticalité qui, pour moi, il n'y a pas beaucoup de formats horizontaux comme la première. C'est vraiment généralement des formats qui vont avec le sens de la plante dans son déploiement. Donc c'est comme ça que j'ai choisi, c'est assez étroit. Et sinon, j'ai jamais essayé de très grands formats, mais j'aime bien alterner, parce que le traitement est vraiment différent. Passer sur des tout petits formats à des grands formats, et sur les petits formats, essayer de peindre avec des gros pinceaux, et sur les très grands formats, c'est avec des plus petits pinceaux. Et en fait, c'est vraiment jamais la même chose. Enfin, j'arriverai pas à faire deux fois la même peinture, je pense. Par exemple, la verte, celle qui est toute verte, c'est la seule où j'ai essayé de changer un peu, de pas utiliser que des pinceaux et des chiffons. J'ai essayé de mettre de la craie pour créer des effets un peu évanescent, mais sinon c'est... Ouais. Donc je superpose mes couleurs par transparence, et plus le glacis, enfin plus les couches sèchent, et plus je vais soit vers les blancs, soit vers les noirs, vers les contrastes, et plus les couleurs se rapprochent un peu plus de la couleur de ma photo. Parce que c'est toujours d'après photo, si je ne l'ai pas précisé. Et c'est toujours d'après des photos que je trouve dans des magazines de fleurs, ou alors dans des livres, ou alors des captures d'écran que je fais d'après des films expérimentaux. Par exemple, Jonas Mekas dans Walden, c'était vraiment... C'est filmé en Super 8, et il y a une image comme ça pendant 10 secondes où c'est une fleur qui est au vent, et en fait on voit vraiment le mouvement, et c'est ça que j'avais essayé de capter, en tout cas pour la toute première, le format horizontal. Ouais, le rapport au flou. Hein. Oui, le flou, et comment elles vont vers la lumière, comment, en fait, comment, comme la peinture, elles vont vers la lumière, et c'est cette recherche de pas, c'est de pas faire une nature morte, mais vraiment quelque chose de vivant, et comment la matière en elle-même, l'huile, est vivant et jouer de ça, en fait. C'est vrai que je me dis qu'on cherche cet état de présence, oui. Enfin, autant dans notre façon de peindre que dans ce qu'on veut voir. Et je travaille aussi, enfin voilà, beaucoup avec cette énergie-là, parce que j'aime beaucoup les grands formats. De plus en plus, c'est comme un déploiement de soi pour moi. Et au niveau technique, donc ma première phase, elle est dehors. J'ai des, dans l'idéal, il faut qu'il fasse très très chaud, quitte à ce que je souffre un petit peu de temps en temps. Mais bon, c'est, en fait, j'aime bien ça, cette urgence du moment. Ça me porte. Voilà, j'ai même des petits rituels et après ce temps de séchage, je retourne l'étoile, je cherche un peu ce qui va germer dessus. Parallèlement aussi, je travaille avec des photos de modèles de mon entourage, on va dire, pour faire simple. Et puis je réfléchis à positionner les corps à certains endroits en fonction de la matière qu'il y a dessus sur la toile. Et après, j'ai tout un univers de photos que je prends, des objets aussi qui peuvent m'accompagner à l'atelier, des tissus, des, voilà, une batterie de, on va dire, d'affect. Et donc ensuite, c'est un travail qui est plus dans l'approfondissement de ce que je veux voir. Et le rapport au corps, dans notamment cette première phase, est très présent parce que c'est une histoire de présence, mais il y a un rapport à l'animalité, au langage avant la langue aussi. Il y a des choses comme ça dans la peinture qu'on a du mal à faire sortir autrement. Et c'est ces moments où on est hyper présent physiquement qui pour moi me renvoie aussi au travail de la danse, cette sorte d'être vraiment très vivant à ce moment-là et disponible pour ce qui va germer me plaît beaucoup. Et donc après, c'est plus parfois du labeur aussi pour les motifs, notamment la question du remplissage. Mais chez toi, on fonctionne là-dessus différemment, mais c'est vrai que j'ai pour ma part, je pense, une petite angoisse, peut-être que je découvre de plus en plus forte, mais quand même, du vide. Et donc ce besoin peut-être de combler chaque partie de la toile par le motif, enfin, pour être sûr que tout le monde en a un petit peu. Il y a quelque chose comme ça. Dernièrement, je pensais à ça. Et bon, après, c'est un travail d'effacement, de tâtonnement. Voilà. Merci beaucoup. On apprend énormément de choses, et surtout, ce qui est intéressant, c'est la rencontre aussi de deux parcours différents, puisque, comme l'expliquait Mylène, fraîchement sortie de l'école des Beaux-Arts, et puis Florence qui a eu justement ses autres expériences avant de s'adonner pleinement à la peinture. Donc c'est vraiment très intéressant. Et puis même dans le choix des thématiques, les fleurs qui reviennent, les motifs qui reviennent sur des inspirations différentes. Mais il y a une question qui revient souvent de la part des publics, et notamment, je pense, pour Mylène ou ces artistes qui utilisent le sans-titre souvent. Comment s'impose le choix des titres dans vos œuvres? Ça, c'est une question qui revient très souvent. Sans-titre, c'est un titre. Mais en fait, j'aime bien laisser planer le doute et que celui qui regarde vraiment, se fie à ce qu'il voit et à ce qu'il se fasse confiance, et justement laisser planer un peu, le laisser imaginer des choses. C'est pas, en fait, j'ai pas envie de le mettre dans d'autres directions. J'ai vraiment envie qu'il se fie à la peinture et pas à d'autres choses. Voilà. Et je saurais pas à quoi mettre comme titre à part. Pour ma part, j'aime bien cette partie-là. C'est vrai qu'elle est assez spontanée après coup, parce que là, c'était 16 jours indomptables, parce que voilà, de l'animal, je suis passée à dompter. Enfin bon, bref, c'est parti comme ça. Et en tant que peintre, je me dis qu'on a, enfin, je sais pas toi, mais le dire est pas facile. C'est sûrement pour ça qu'on peint. Il y a y a quelque chose qui bute là-dedans ou de trop plein et qu'on va donner dans la peinture. Le titre, il vient souvent, donc ouais, de manière instinctive, il y avait toutes les endormies que j'avais peintes. Donc là c'était des noms de personnes, voilà, la sensation du prénom qui me venait en fonction des rapports de couleurs, des choses comme ça. Et puis après, une autre série pour les histoires de femmes, bah là c'était des modèles qui venaient de l'histoire de l'art, donc je voulais me questionner sur ce qui traverse une image en fait qu'on connaît et qu'est-ce qui vient en traverser enfin une autre par ce biais-là. Pourquoi on peut aimer une image aussi par la mémoire d'une autre image, donc enfin d'une autre peinture, c'est pas une image. Mais voilà, les titres, c'est assez agréable. Il y a un rapport poétique dans le titre pour moi qui aussi évite de fermer, de cloisonner ce qu'on voit. Mais c'est plutôt une ouverture. Alors, elle est plus guidée qu'un sans titre. Après, c'est une histoire aussi de produire quand même beaucoup de toiles. Et moi, les sans titres, ce serait très compliqué de m'archiver. Donc, je pense que ce serait aussi ça. Et puis, voilà, j'aime bien l'écriture. Il y a une part d'intime qu'on dit à travers la peinture et qui passe par le titre, mais de manière assez légère. Voilà. Merci pour les réponses. Et du coup, justement, Florence, tu enchaînes sur une question qui avait été posée la dernière fois à Jérémy Liron et Christine Guinamant sur justement l'archivage des œuvres, parce que vous en produisez une quantité assez importante, surtout en tout cas avec les expositions. Les œuvres, c'est ce que les autres artistes expliquent, qui partent un petit peu aux quatre coins de la France. Est-ce que vous vous y retrouvez dans tout ce que vous avez créé? Est-ce que vous avez un classeur ou quelque chose qui préciserait quelles sont les œuvres que vous avez créées et où elles sont J'ai dû le faire de façon plus drastique parce que j'ai eu quelques soucis. Mais c'est pas une partie que j'aime faire. En effet, ça prend un temps fou. Ça nous empêche de peindre, mais bon, voilà, il faut le faire. Après, dans l'atelier, quelqu'un est venu visiter dernièrement et m'a dit, mais toutes ces toiles là, tu les as archivées? Et bon, bah, bien sûr que non, déjà parce qu'elles sont pas finies. Enfin, ce qui est dans l'atelier est potentiellement pas fini. Et puis il y a tellement de choses. Enfin, j'avais emmené des caisses à la déchetterie. Enfin, j'ai beaucoup de. On travaille beaucoup, donc. Donc c'est pas suffisant, non. Et puis la partie, voilà, Jérémy en parlait aussi avec Christine, prendre en photo les tableaux, voilà, c'est un autre métier. C'est pour moi, c'est toute une partie que j'aime pas faire, mais qu'on est forcément dans l'obligation de s'y atteler quand même un minimum, ou de déléguer si on peut. Pour l'instant, je ne me pose pas trop la question, mais j'ai commencé à les répertorier déjà dans mon ordinateur et d'avoir les photos, les titres, et voilà. Mais sans plus. Enfin, je me suis pas trop, j'ai pas trop réfléchi à ça encore, parce que c'est le début et j'en ai pas encore une centaine. Alors, du coup, il y a une question que. On avait préparé depuis longtemps, qui nous intrigue, et je pense qu'on n'est pas les seuls ici. Je dis « on » puisque j'ai ma collègue Irénée, responsable du service des publics, qui est ici. C'est notamment aussi grâce à la direction, mais grâce à Irénée, que cette rencontre, la direction, donc Sylvie Carly, notre conservatrice qui est présente également. Mais voilà, c'est un travail qui a été réalisé à plusieurs mains. Et la question qui revient souvent dans l'idée de cette démarche créative, est-ce qu'il y a un moment charnière où dans votre vie personnelle, vous avez eu ce souvenir de basculer vers le fait de basculer ou d'être artiste, justement? Est-ce qu'à un moment, l'évidence s'est présentée à vous, et comment vous avez su que vous étiez artiste? Ça fait beaucoup de questions, mais c'est la même. Je pense que c'est avec du recul que je me suis rendu compte de ça, mais je viens de Franche-Comté, Et j'ai vécu, enfin mes parents sont ouvriers, j'ai vécu avec ma grand-mère pas mal de temps, qui a un jardin. Et j'ai toujours vécu dans son jardin, on a toujours fait des tours de jardin. Tous les mercredis, on allait faire, voir, suivre l'évolution des fleurs, machin. Mais je ne suis pas allée au musée avant l'âge de 10 ans. Enfin, vraiment musée au sens du Louvre avec l'école en CM2, quoi. Mais c'est à ce moment-là, je pense, où je me suis vraiment mis... c'était la première fois que j'allais à Paris, déjà, et que je me retrouvais petite à côté du radeau de la Méduse. C'était impressionnant. Et je ne sais pas si c'est un moment clé, mais ça m'a perturbée, en tout cas. Et après, j'ai toujours été assez manuelle. Ma grand-mère a toujours peint des fleurs sur des cartes pour sa paroisse. Elle a toujours collé des fleurs séchées. On a toujours fait des choses comme ça. Donc, ça m'a un petit peu influencée, en quelque sorte, je pense. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que le musée, pour moi, c'était surtout le jardin. Et c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Moi aussi, je viens pas d'un milieu culturel. Le seul truc, c'est vrai que ma mère avait un commerce et vers 14 ans, enfin, ou 13 ans, je ne sais plus, elle faisait des salons sur Paris et donc elle me laissait une journée au Louvre seule. Enfin, voilà, du coup, je pouvais... découvrir où, et tous les ans j'y retournais, voilà, c'était mon petit bain. Mais sans ça, j'ai pas non plus d'habitude du regard à côtoyer des œuvres. Par contre, petite, je sais pas si ça peut venir de là, mais on m'avait bandé les yeux quand j'étais enfant, et ce besoin de voir, je me dis peut-être que ça vient de là, c'était pas très long en temps, mais voilà, le mot artiste, pour moi, il parle d'un engagement, il parle de mots à dire, et je me sens proche du côté terrien de la matière, en fait. Et c'est vrai que je ne suis pas très à l'aise avec le mot artiste, parce que je me dis qu'il manque des choses pour pouvoir vraiment me sentir à ce point-là, dans la présence. Après, ce qu'on vit ici, ça me touche, ça fait du bien. Parce que oui, c'est sûrement quelque chose qui nous anime depuis... déjà depuis longtemps, et puis fortement. Enfin, en maternelle, je sais que les empreintes comme ça de matière me fascinaient avec les feuilles. Et puis quand je vois des choses, je m'en suis rendu compte dernièrement, dans la rue, si je suis en voiture, en passager, je vais d'un coup me rendre compte que je suis en train de dessiner un truc sur ma jambe de ce que j'ai vu juste avant, enfin, dans le défilement des images. Et je me dis, ça, c'est peut-être un signe que... voilà, que j'en ai besoin. Voilà, mais trouver sa place, être artiste, c'est une place aussi qu'on nous donne, c'est une pensée curieuse pour moi. Merci de nouveau pour les réponses. Pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant, effectivement, se sentir artiste, c'est aussi le sentir dans le regard des autres et devant l'admiration des publics. C'est une exposition qui a ouvert il y a quelques semaines maintenant, et toutes les propositions extrêmement différentes. Justement, il y a 4 techniques quand même différentes qui sont présentées dans cette exposition. Il y a toujours l'admiration du public pour des créations qui sont extrêmement justement diverses, mais qui suscitent à chaque fois l'admiration, avec justement aussi cette relation aux objets qui ont été choisis, les objets qui vous aident à réaliser vos œuvres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avoir choisi ces objets et jusqu'à quel point ils ont une importance dans votre processus créatif ? Alors, pour ma part, il y a des photos, une mémoire et des échantillons de couleurs. Donc les échantillons de couleurs, en fait, c'était un départ pour un peu archiver toutes les couleurs que je pouvais faire avec et tous les mélanges que je pouvais obtenir avec mes pigments et mes peintures en tube, et ensuite d'avoir une palette si jamais, je sais, pour me guider, pour savoir comment reproduire cette couleur. Donc ça, je l'utilise tout le temps en atelier. Ensuite, il y avait mes photos. En fait, j'ai commencé à peindre quand parce que j'avais découvert des photos dans un marché aux puces. C'était des photos de famille, mais qui n'étaient pas à moi. Et j'ai commencé à peindre ça. Donc, j'ai commencé à collectionner des images dans des captures d'écran ou dans des photos que je trouve, mais rarement mes photos à moi. Et donc voilà, encore maintenant, j'essaie de peindre parfois d'après des... Enfin, c'est assez rare de trouver des photos comme ça dans les marchés aux puces, mais c'est souvent de très très belles photos et j'en peins souvent. Et ensuite, mon mémoire, donc je l'ai fait en fait pendant le confinement, en 2020, où j'étais dans ma chambre, il fallait faire avec les objets, ce qu'il y avait... dans ma chambre, quoi. Et pendant 5 ans, j'ai toujours tenu des notes, des carnets de notes, et je me suis dit pourquoi pas essayer de les relire et retrouver un peu ce que j'avais écrit et essayer de les classer. Et en fait, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit des notes et des observations sur la peinture en général, et après de retrouver mon rapport note-peinture. Et en fait, il y a tout un tas de notes, des choses que j'ai vues, lues, entendues, des souvenirs. Et donc, j'ai classé ces notes par des mots qui définissent ma pratique plastique. En fait, là, on ne peut pas le consulter, mais les mots qui la définissent, il y a aphasie, éblouissement, écumé, efflorescence, Heimat, c'est un mot allemand que j'ai découvert en Allemagne, qui est indéfinissable, intraduisible, merci, en français, mais qui veut dire là où on se sent bien. Donc ça peut être quand on lit un livre, ça peut être dans sa chambre, dans son lit. Ensuite, il y a hiatus, il y a rature, travail et vertige. Et donc, j'ai classé mes notes dans ces catégories-là. Donc voilà, et il y a donc une première partie, c'est la note d'intention, ensuite il y a mes notes en vrac, puis un carnet de citation, c'est un peu fourre-tout, mais... pardon. Et voilà. Je rebondis juste sur ce que tu disais là, parce que par rapport... au lieu, je me dis la peinture c'est un lieu à soi, enfin, c'est un espace, je vais prochainement avoir une exposition, je pense que je vais l'appeler comme ça, parce que c'est un univers où on peut vagabonder, où on peut, voilà, ça me faisait penser, voilà, et je sais plus la question. La question c'est les relations avec les objets choisis pour la vitrine. J'ai amené une espèce, je dis ma peau, c'est une espèce de peau, mais en fait c'est de la colle que j'ai fait sécher. C'est une pratique que j'avais travaillé sur une série qui s'appelle Ce qui nous colle à la peau. C'était où je dessinais par-dessus des sortes de tatouages. J'utilise cette matière pour la peinture aussi, et c'est donc selon des séchages, très différents. Ce rapport à la peau, pour moi, c'est vraiment fort dans le lien que j'ai avec la peinture. On a j'ai certainement une mémoire assez tactile, ouais. Et puis c'est cette strate entre soi et le monde. Pour moi, la peinture, c'est ça aussi, c'est cet espace. Qui est poreux finalement entre nous et l'extérieur, et puis toutes ces couches qu'on peut mettre comme des kimonos, ou comme les couches de peinture qui n'en finissent pas, hein, si on dort plus. Mais la peau est importante dans la peinture, en fait. La peau, le corps, voilà. Et après, j'ai amené un sèche-cheveux. Alors, le sèche-cheveux, c'est un petit accessoire d'hiver, principalement, parce que l'été, j'utilise le soleil. Et je m'en sers pour sécher, des fois pour aller plus vite, parce que j'ai toujours cette angoisse de ne pas aller assez vite. Et puis pour faire des effets de matière de temps en temps, mais le soleil reste bien meilleur pour ça. Parfois quand c'est l'été, c'est vrai qu'il y a des rapports différents entre si je les laisse longtemps dehors, maintenant j'arrive à voir à quel moment il faut que je rentre les tableaux, ça va me donner d'autres effets, des sortes de matières qui se contractent. Tout ça, plus le vent, enfin, je travaille beaucoup avec les éléments, comme les vignerons, je regarde le temps qu'il va faire. Et donc le sèche-cheveux, c'est pour l'hiver, surtout. Et voilà, après j'ai amené une palette. C'est quand même un outil indispensable et un grand chantier finalement à chaque fois. J'ai pas pris les baskets, les tennis, mais elles doivent être stockées parce que ça tenait pas. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte quand je peins qu'il faut que je sois serrée et très souple au sol. Parce que si j'ai des vêtements par exemple amples, je vais pas être assez dynamique. Et les chaussures comptent beaucoup. Et l'été, j'alterne deux chaussures pour pas avoir trop chaud. Enfin bon, c'est assez. C'est un sport. Oui, c'est un sport. mon père est prof de sport d'ailleurs, mais c'est une parenthèse. Et voilà, et je sais plus si j'ai. Ah oui, et la cage à tissu. Alors, en fait, c'est un objet que je trouvais beau pour moi, qui m'a touchée. C'était dans une fromagerie un jour. J'ai acheté ça, c'était suspendu. Mais au voyage au Vietnam, il y en avait beaucoup avec des oiseaux. Pour moi, il a beaucoup de poésie. Enfin, la cage a beaucoup de poésie. Elle est en même temps ouverte, en même temps, le tissu, bien sûr que j'en ai beaucoup à l'atelier, et que là, il y en a qui viennent du Vietnam ou autre. Et c'est un peu comme la peinture. C'est pour moi, c'est faire sortir aussi les choses. Donc, comme s'il y a on va attendre que ça se condense en soi, et puis à un moment ça va germer, voilà. Il y a un rapport comme ça, et puis donc un corps en cage, des matières en cage qui ont besoin de pousser les murs. Voilà. Pardon. Merci. Et je vais rebondir du coup sur l'instant mode, parce que ça m'intéresse. Est-ce que Mylène, tu as aussi une tenue spécifique, ou en tout cas, est-ce que le vêtement a son importance pour la préparation du tableau ou pas spécifiquement? J'ai un tablier, un bleu, un genre de bleu de travail tablier que je mets forcément. Et sinon, j'aime bien être à l'aise, quoi, parce que je me retrouve souvent les genoux à terre, avoir de bonnes chaussures, des baskets, et ouais. Non, j'ai pas. Ouais. Attaché. Oui, les cheveux attachés, c'est mieux. Sinon, on voit pas bien. Sinon, pas plus. Je réfléchis. Moi, c'est jogging polaire l'hiver. Voilà. T'es dehors. Ouais. Et puis, les tennis. Cheveux attachés, forcément, parce que on est plus dispo. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, on va rester dans cette idée, en tout cas des rituels, mais cette fois-ci plutôt liés à la peinture, à votre façon justement de préparer tout ça. Déjà, on peut parler de votre atelier, votre espace de travail, et ensuite de tout ce que vous mettez en place pour réaliser des peintures. On en a parlé avec Christine Guinamont la dernière fois. Donc Christine Guinamont qui a réalisé La pluie noire qui est juste derrière, qui a souvent travaillé dans le bruit. Elle disait qu'elle avait besoin de musique justement très forte. Alors aujourd'hui, elle travaille après beaucoup dans le silence aussi, mais voilà, cette importance de musique. Jérémy qui a aussi besoin de beaucoup voyager, en tout cas de se déplacer. Donc vous, voilà, quelles sont vos habitudes pour pouvoir créer dans l'atelier, et à quoi ressemble votre atelier? Déjà, l'atelier, je me suis rendu compte que c'était vraiment vital pendant le confinement. Donc j'avais pas d'atelier, et j'ai essayé de, pendant 2 mois, parce que j'allais déménager, me confectionner un atelier dans mon grenier. et j'avais pas beaucoup de lumière, donc après j'ai déménagé et j'ai pris une salle consacrée pour mon atelier. Ça c'était pendant les autres confinements, donc j'avais vraiment besoin de lumière. Maintenant j'ai un autre atelier vraiment que à moi, parce qu'avant je le partageais. Et donc moi je travaille plutôt l'après-midi, en début d'après-midi, quand le soleil est bien. Plus j'ai une fenêtre, mais qui est vraiment orientée plein sud, donc elle est assez lumineuse. Enfin, la pièce est assez lumineuse. je pense que j'ai vraiment besoin de prendre un temps de réflexion, de voir, de me poser dans mon fauteuil avant de commencer, regarder un peu dans le vide. Et après, j'écoute de la musique, je bois un café, et après, j'essaie de me lancer. Mais ouais, au bout d'une heure, peut-être que je suis dans l'atelier. Il faut que je range aussi. Il faut que, à chaque fois, que les conditions soient. Quand je quitte mon atelier, que ce soit bien rangé, pour que quand je retourne, ce soit en ordre et que ça ne me démoralise pas trop et que ça me mette dans une bonne dynamique. Ouais. Moi, c'est vrai que quand je suis trop dedans, je laisse en bazar, mais à chaque fin de session, en général, j'aime aussi épurer. D'ailleurs, même si c'est trop serré autour de la peinture, enfin, s'il y a trop de choses par terre, du coup, je n'arrive pas non plus à travailler. C'est une parenthèse, mais je me suis rendu compte des fois quand je peins des motifs que je suis vraiment tranquille, j'ai mes jambes qui se mettent en yoga, bref, et en position comme ça. L'atelier, j'ai beaucoup travaillé chez moi, enfant dans ma chambre. Après, j'ai utilisé le garage de mes parents après des vendanges le soir, par exemple, ou voilà. Et puis après, oui, chez moi tout le temps, jusqu'à il y a 2-3 ans où j'ai loué un espace, enfin plusieurs espaces, mais un dans lequel je suis maintenant. Et c'était pour cloisonner aussi la vie personnelle et avoir du temps pour la vie personnelle, en gros. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, on aime être envahi de cet univers et que j'adore travailler chez moi. Voilà, bon, c'est une problématique, mais l'atelier, c'est vrai que c'est pas simple à trouver parce que pour ma part, là, il est grand, il fait 108 mètres carrés. Mais bon, il y a beaucoup de stockage, voilà. Et puis, personnellement, il me faut bien sûr un extérieur avec, en évitant qu'il y ait trop de végétation autour aussi pour les séchages d'étoiles. Voilà, j'adore, bien sûr, je ne peux pas peindre dans le silence. Donc, c'est des musiques assez variées. Ça peut être classique, musique de chambre, du rap, de la chanson française que j'ai un peu baignée dedans par mon père, enfant et ado. Je fume pas, je fais des sessions de sevrage, mais quand je peins, c'est difficile. J'ai besoin de souffler. Et puis, moi je suis du matin par contre. Et alors j'aime démarrer direct. C'est justement pour ça que l'atelier chez moi m'allait bien, parce que j'étais prête, il y a une espèce d'urgence, et que du coup d'attendre même les trajets, ça, j'ai l'impression que je risque de perdre l'énergie qui attend. Voilà. Et je peux me lever très tôt à 4 heures. Enfin bon, des fois c'est vraiment n'importe quoi. Si j'ai un tableau à finir, c'est vrai que ça me lève le lendemain. J'arrive pas pour l'instant. Voilà. Donc je le paye derrière. Mais j'aime cette phase très dense. Et même, la fatigue, des fois, elle apporte d'autres choses. Je remarque, alors ce qui marche mal pour moi, c'est la digestion d'après manger à midi. Là, je sais que je ne suis pas très productive, mais que ça rebondit derrière un petit moment. Mais le soir, maintenant, je suis assez vidée. Hein. Mais voilà. Mais par contre, le matin, de se réveiller dans la nuit, on a l'impression de gagner de l'avance sur le jour. Et c'est, voilà. Mais bon, ce n'est pas forcément vrai, en fait. Vous saurez maintenant ce que c'est que d'avoir des insomnies artistiques. Voilà, non, en tout cas, voilà, on sent que le processus créatif, et c'est bien normal, vous suit à chaque instant. Ici, on est donc forcément au musée. On a parlé de votre rapport au musée, de cette découverte justement au Louvre, toutes les deux. Quelle est votre sensation? Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui en étant en vous promenant dans les musées, en particulier quand vous voyez certaines de vos œuvres affichées? Et outre le musée Paul Tigny, est-ce que vous avez un musée qui, en tout cas, qui retient votre attention dernièrement? Voilà, c'est plein de questions, mais toujours autour de votre rapport au musée. Je pense qu'on va dans un musée pour procurer un effet, rechercher une vibration. Là, j'étais à Venise il n'y a pas longtemps. Venise, c'est vraiment... j'attends d'un musée qui me procure la même sensation que quand on va à Venise. C'est un peu gros, ça chamboule un peu. C'est comme quand on est dans un livre, on pense qu'à ça. C'est un peu comme une anesthésie. Ensuite, de se voir dans un musée, c'est encore autre chose. C'est un truc que je me voyais encore en train de faire ma peinture et de me dire, mais je vais rester toute ma vie dans l'atelier. Et c'est génial. C'est trop, trop bien. Dans mes musées préférés, vu que je viens de Belfort, je suis souvent allée à Bâle. Et à Bâle, il y a la Fondation Meyeler, j'aime vraiment bien, j'y allais souvent. J'ai vu Palazzo Grazzi à Venise, le Luc Teumanns, qui m'a bien donné envie de peindre aussi. Le musée d'Orsay, à chaque fois que je vais à Paris, j'essaie d'aller au musée d'Orsay, je le trouve. J'adore tous les artistes du musée d'Orsay. Je ne sais pas si j'ai vraiment un musée en particulier, mais toujours à la recherche de découvrir quelque chose de nouveau aussi et de surprenant. Oui, le musée, pour ma part, c'est comme le silence du monde. Enfin, c'est un moment où on se retrouve, il y a quelque chose qui s'arrête et on est là. Et voilà, et c'est des plages où qu'on s'offre et que je m'offre parfois pas assez en me disant faut que j'avance sur certaines toiles, de se l'offrir, ça fait vraiment du bien. Et après les musées, alors en effet le Louvre, à chaque fois que je vois par exemple Rembrandt, il y a Bézabé au bain, c'est un tableau qui m'émeut à chaque fois. En fait, je sais que quand je vais aller dans un endroit, dans un musée, je vais être surprise. Il y a quelque chose que je sais d'avance qu'il y aura un choc quelque part. Et même en revoyant des œuvres, on va chercher autre chose. Donc, c'est toujours un plaisir de les revoir. Et finalement, les musées des arts premiers ou musée Guimet, j'adore aussi quand je vais à Paris les retrouver. C'est un petit périple, je pense que, mais annuel, j'ai besoin de les retrouver. Les œuvres, elles nous accompagnent et on vit avec, en fait, d'une certaine façon, tous les jours. Et puis, un peu plus loin, j'ai pas de stimulation, ou j'ai besoin de quelque chose. C'est vrai que les grottes de Lascaux, ou me replonger sur Jérémy parlait des portraits du Fayoum, et d'être devant, ça me bouleverse toujours parce qu'il y a tout ce temps qui s'est écoulé. On se dit depuis avant, il y a toujours eu ce plaisir là. Ouais. Enfin, ce besoin-là, voilà. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je vous propose maintenant, si ça vous convient, bien sûr, de laisser la parole à notre public. Vous êtes venu aujourd'hui, vous aviez peut-être déjà connaissance de ces artistes, vous aviez peut-être aussi d'aller vers la nouveauté, de rencontrer ces artistes, de vous laisser surprendre ici au musée. Est-ce que vous avez... l'envie de poser une question à Florence ou à Mylène. Oui, Oui, c'est bon. Deux questions. Vous en avez déjà parlé, mais pour moi, vous n'avez pas bien répondu. J'aimerais que vous développiez plus la question de savoir quand une toile était finie. Et la deuxième question qui n'a rien à voir, qui est plutôt la réalité socio-économique d'une artiste. Est-ce que vous avez un agent? Comment est-ce que vous gagnez de l'argent? Est-ce que c'est un statut social? Voilà, que je ne connais pas. Donc moi, j'avais dit que quand je finis une toile, enfin je ne sais pas vraiment quand la toile est finie, mais en tout cas je sais quand elle est allée trop loin. Mais généralement le geste est assez rapide, geste de fin, je viens vraiment presque effacer des choses et je sais que ça restera comme ça. Mais je ne sais pas trop en fait. Je pense qu'on s'en rend compte plus tard de ça. Si c'est pas fini, vous reprenez. Voilà. Plus tard, c'est ça. Mais généralement, je reprends pas. Enfin, toi, je sais pas, mais moi, je reprends pas mes. Si, moi. Tu reprends ? Ouais. Tu me permets pour répondre à ça ? Non. Parce qu'après, la deuxième question, donc. Je me suis fait mon statut, mon numéro Siret cet été, enfin l'été dernier, en 2021. En sortant de l'école, en fait, donc là c'est vraiment hyper récent pour moi. J'essaie justement de tâtonner, de voir à gauche à droite comment ça se passe. J'ai pas d'agent, mais ouais, j'essaie d'être dans les clous. Enfin, je déclare tout ce que j'ai à déclarer. Voilà, j'ai pas trop de. Après, j'ai un petit carnet où je note mes ventes avec la photo d'étoile et. Mais sinon, oui, c'est pas, je ne vis pas de ça à côté. Je travaille dans une médiathèque. Je fais 20 heures par semaine. Mais voilà. Ouais. Pour ma part, j'ai débuté dans les marchés de création, enfin, marchés artisanaux dans les villages. Et après, j'ai démarché des galeries. Enfin, si on parle du statut d'artiste, voilà. J'ai démarché des galeries, certaines m'ont donné des conseils, c'était pas leur ligne, tout ça. Et puis après, oui, je suis rentrée dans des galeries. Et là, c'est vrai que j'étais donc dans l'éducation nationale, donc je vivais pas de la peinture, mais c'est allé assez vite pour moi, tout ça. Et donc j'ai démissionné parce que ça me suffisait. Enfin, oui, on peut bien vivre aussi de sa peinture, mais ça demande beaucoup de travail. La question de finir un tableau, en soi, je me dis, on fait peut-être un tableau pour toute notre vie. Enfin, finalement, on cherche un tableau toute notre vie. C'est un regard, en fait. On cherche quelque chose qui est comme des bribes à chaque peinture, mais c'est un peu. Voilà, c'est quelque chose qui finalement ne finit pas. Et ce qui peut arrêter, c'est en effet des moments d'exposition où là on a des échéances et que voilà, on s'organise psychiquement, je pense, pour être prêt le jour J, en fait, comme quelqu'un qui va répéter au théâtre, à un moment il est prêt parce que il a étalé suffisamment. Enfin, on arrive peut-être à se connaître et à savoir à quel moment on peut dire oui à une expo ou voilà. Et après, oui, il y a le statut de la maison. Enfin, avec la maison des artistes, il y a tout. Moi, c'est des factures qui se font avec les galeries, des contrats aussi. Voilà, ça. C'est voilà. Ouais. Je sais pas si on a répondu suffisamment. Ouais. Est-ce que d'autres personnes dans le public souhaitent poser des questions? Moi j'ai une question technique. J'ai entendu Mylène parler de Plassey, ouais. Cette recherche de superposition. J'ai repéré également dans le travail des superpositions et ça m'a plu énormément, notamment le mot colle. Je me dis, est-ce que c'est la colle de peau? Quelle est la colle? Comment est-ce que, parce qu'il y a des endroits où il y a vraiment une superposition de matière qui est d'une richesse incroyable. Ouais. J'ai cette question technique. Question 2. Tu veux. Bon, moi, je suis lancée. Bah, c'est vrai que la peinture, c'est un palimpseste. Enfin, du coup, pour ma part, donc c'est une colle particulière que je mets, en effet, parce que j'en ai essayé pas mal et que celle-là me convient. Et en fonction des séchages, ça me donne déjà des matières différentes avec la chaleur. Ensuite, ce que je lance avec, à côté, et selon le degré de séchage déjà de cette colle-là, ça me donne une strate, une petite épaisseur. Et tous ces tableaux, c'est des chantiers, c'est-à-dire que voilà, il y a eu plusieurs phases, je laisse reposer, je reviens, j'efface, je relance par-dessus. Donc ça fait monter la matière, en fait. Souvent, j'ai l'impression de rater quand c'est comme ça, mais je sais qu'au fond, ce sera peut-être des meilleurs tableaux parce qu'ils auront une épaisseur de vécu, enfin, une densité. Je ne sais pas si on veut parler d'un âge de certains... Mais oui, il y a beaucoup de strates. Et après, quand je dis que j'efface... alors, j'efface avec le chiffon, mais je peux remettre par-dessus. Je peux tout reprendre à zéro, en fait. Je peux recouvrir, reprendre tout à zéro, mais souvent je vais garder certaines parties qui m'intéressent du tableau, ce qui demande des fois de se dire avec courage qu'on va en effacer, même si c'est intéressant, mais cette place là elle lui convient pas. Je me souviens que j'avais travaillé sur un tigre sur un 2 mètres. Je m'étais, je pense, bien débrouillée pour ce tigre là sauf que c'était pas sa place. Mais en fait, je l'ai réintégré sur un autre tableau plus tard, pas exactement pareil, mais en fait, on garde, c'est comme si on avait... il y a une écrivaine qui disait, on a tous les âges de la vie en soi. Un tableau, pour moi, c'est ça. Il y a tellement de choses, voilà. C'est assez pluriel. Et plus c'est riche, en fait, plus on apporte de choses dans ma matière, plus ça donne des choses. Et c'est pas forcément toi où tu vas, parce que c'est d'autres sensations subtiles, différentes. Enfin, si tu peux en parler. Moi, je trouve que c'est aussi important de disséquer la toile, comme tu disais. La peinture, c'est un palimpseste. Il faut essayer de lire par les couches, et je trouve que c'est aussi comme ça que ça la rend vivante. Et c'est comme ça aussi que je finis. Je pense que j'arrive à savoir quand une toile est finie. C'est qu'il y a un peu de tout. On voit, il y a des endroits où on voit le squelette de la toile avec vraiment presque le premier dessin, l'esquisse, avec ensuite les premières couches très diluées, et laisser toutes ces étapes apparaître, je pense que c'est ce qui la rend vibrante et c'est ce qui est poétique, je pense. Et de donner de l'importance à la couleur de la toile, en fait, du blanc ou alors du lin, et de laisser ce vide comme une couleur. Mais je trouve que dans tes blancs, il y a de ça. Je ne sais pas si c'est la toile. Ils viennent après. Ouais, parce que je trouve justement qu'ils ne l'obstruent pas. Ils la laissent vraiment respirer. Et c'est ça, c'est une vraie recherche. En tout cas, dans ma peinture, le blanc, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et je trouve que là, c'est assez réussi. Et surtout sur le drapé. Enfin, je ne sais pas si c'est un drapé, mais j'ai l'impression qu'on voit, on voit au travers. Dans les éléphants ou Dans les éléphants, moi je vois comme une robe, en fait. Le triptyque ou le... Non, l'autre. Oui, là c'est le séchage. Ouais. Et ce blanc là en transparence, il est assez chouette. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, j'aimerais savoir s'il y a des œuvres que vous n'avez pas souhaité exposer. Pour quelles raisons vous dites, tiens, c'est une œuvre, celle-ci, ce tableau, jamais je ne le montrerai. Et puis j'aimerais aussi que vous parliez du regard que vous avez sur le spectateur, c'est-à-dire quand quelqu'un, est-ce qu'il a son importance pour vous? Est-ce que quand quelqu'un s'attarde devant une de vos toiles, vous lui dites, ah, tiens, qu'est-ce que vous dites justement quand quelqu'un s'attarde devant un tableau? Et est-ce qu'il intervient, ce regard du spectateur intervient dans le processus de création? Est-ce qu'on a notre place, nous, ou pas du tout? Vous pouvez me répéter la première question? Est-ce qu'il y a des toiles que vous, des tableaux ou des œuvres que vous ne souhaitez pas exposer, et pour quelle raison vous diriez, tiens, jamais je ne le montrerai? Généralement, elles ne durent pas longtemps parce que je les recouvre. Donc elles ne sont pas visibles. Et sinon, je pense que l'avis du spectateur... Déjà, regarder la manière dont il regarde, ça c'est hyper émouvant, et de voir ce que ça procure. Et c'est aussi pour ça que je parlais du sans-titre. Je trouve que ça laisse vraiment la personne voir ce qu'elle a envie de voir. Et, enfin, mon rêve, c'est d'essayer de faire voyager quelqu'un. Ça, c'est ce qui aurait de plus joli, mais c'est cette recherche-là. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ouais, c'est libre, hein, c'est complètement. C'est une manière de donner, peindre aussi. C'est, en fait, ce qui compte, c'est pas tellement... quand le tableau est au mur, il nous appartient plus, il y a un détachement qui se fait, enfin, il me semble, on le regarde plus pareil, parce que nous, on les regarde même pas. Et quand ça touche quelqu'un, ça peut faire énormément d'émotions. En fait, c'est le sens, c'est ce qu'on a envie, au fond... C'est que ça puisse toucher l'autre, enfin, des moments de joie, de pure joie. Et je me souviens d'une amie qui m'avait acheté une toile chez qui est maintenant c'était une autre toile qu'elle m'avait achetée, mais sur cette toile là elle me disait, là je vois un petit girafon, et ben maintenant moi je vois toujours le petit girafon. Et c'est vrai que ça apporte, parce que on travaille seul, on n'a pas de retour forcément sur ce qu'on peint, et parfois ça nous questionne, on a envie d'aller aussi chercher ce qui peut, un autre regard nous enrichit forcément ce qu'on peut mettre, pas forcément directement, mais un peu plus tard, on se dit, tiens, on m'a dit ça, je vais aller creuser, pourquoi pas. Enfin, voilà, c'est assez ouvert, la peinture. Et la première question, c'était... Ah oui, des... Alors, moi, il y a des choses de l'enfance que je garde, mais que je n'ai pas forcément envie de montrer, parce que je pense qu'il y a beaucoup de symbolique aussi dans les tableaux que j'avais faits, qui sont très personnels, mais trop. Et du coup, il y a ce genre de choses-là. C'est pas vraiment des œuvres, c'est une trace de soi, qui participe après pour les autres. Mais il y a peut-être des tableaux un peu clés aussi, quand ils sont partis, moi je sais que je suis heureuse, parce que je me dis qu'il a trouvé sa place, enfin sa tenue, en fait, chez quelqu'un, ça lui donne sa place. Ouais. Merci beaucoup. N'hésitez pas encore, hein, si vous avez d'autres questions. Oui, quand vous faites une nouvelle toile, je suppose que l'idée de ce que vous voulez représenter a mûri longuement dans votre esprit, que ça mûrit petit à petit. Mais est-ce que vous attaquez directement sur la toile blanche? Est-ce que vous faites des maquettes, soit en papier, soit sur Photoshop, avec des mélanges, des collages, je ne sais pas? Alors, généralement, je fais pas d'esquisse, j'attaque direct à la peinture. Ouais. Parce qu'en plus, déjà, le processus de préparation de la toile est assez long, donc j'ai vraiment envie de peindre. Et généralement, j'ai ma photo sous les yeux, sur mon ordinateur, ou alors photo. Et je me fais ma palette, je vais fouiller dans mes couleurs. En fait, je me choisis un panel de couleurs plutôt restreint, et je me fie à ça pour commencer. Et ensuite, je me lance. Et si ça se trouve, le lendemain, ça m'ira pas du tout, donc je vais refaire d'autres couleurs, mais ça se fait comme ça, ouais. J'ai eu un moment de sens. C'était la question. Quand vous avez l'idée d'une toile qui a pris dans votre esprit, forcément, comment... Oui, non, je ne fais pas non plus. Ouais, moi, j'adore ça. Ouais, ouais. Sauf, alors, j'avais fait un 9 mètres de long. En 2020, voilà, et celui-là, j'ai rajouté des châssis finalement, parce que c'est un polyptyque avec plusieurs châssis pour les manipuler aussi, comme je travaille beaucoup au sol. Et là, j'avais quand même à un moment fait un croquis, mais juste des grosses masses, parce que je butais à un moment du parcours Je me disais, là, la composition, elle ne va pas aller. C'est bon, finalement, je trouve que ça ne me sert pas tant que ça. Parce que je vois pas, en fait, on voit pas de la même façon avec la matière. Avec, il me semble que ça suffirait pas. Et puis bon, j'aime bien être surprise, me laisser guider. Ouais, ouais. Non, je voilà. Parce que pour les grandes toiles, la composition a quand même une sacrée importance. Oui. Bah oui. Même les petits formats, des fois, on passe autant de temps à travailler un petit qu'un grand, parce que plus c'est grand, plus on se pousse. Je sais pas, il y a une autre énergie qui se met en place. Mais on se perd, ouais. Et puis là, on peut se perdre dans la profonde, dans les strates aussi. Enfin, le temps qu'on voit, c'est pas le temps qu'il y a dessous, finalement. La composition, oui, moi je disais, elle vient en dernier, enfin quasiment en dernier, parce que c'est les couleurs. C'est si je mets une couleur, je vais aller en chercher, je vais essayer de faire un équilibre, et puis des fois, bah, faut rompre l'équilibre, ou même essayer de décrocher, de dire, bon, bah là, ma tendance à surcharger, en ce moment, j'essaye de me dire, là, je me retiens, et bon, voilà, mais d'essayer des petites choses comme ça. Ça, elle se met en place. En fait, la peinture, elle va venir. Voilà. Finalement, ça va venir. Et quand c'est trop, par exemple, la phase de travail extérieur pour moi, si c'est déjà trop structuré, si je sais exactement, je me dis, ah là, c'est ça, je sais que ça va louper. Parce que y a un truc qui est trop évident. Et ça ne va pas faire le tableau à ce moment-là. Ouais. C'est comme ça que je le vis. Même si ça bouge Ouais. Alors après, ça bouge plus petitement quand on aboutit ou pas. Mais bon, voilà, c'est jamais trop, hein, l'incertitude. Le hasard, ça a quand même pas mal d'importance. Enfin, je trouve que c'est bien d'essayer, tant qu'on a l'énergie, essayer, donner, et après effacer si ça va pas, mais en tout cas, voir ce que les couleurs font et laisser vraiment le hasard guider les choses. Plus que effectivement structuré, en fait ça bloque plus qu'autre chose, et c'est vrai que même sur des petites toiles, c'est marrant, mais j'avais essayé des toutes petites toiles, et en fait j'y prends autant de temps que sur des grandes toiles, parce que c'est pas la même surface, mais je sais pas, c'est la toile en elle-même qui émane une espèce de... L'équilibre reste droit. Voilà, c'est ça, il y a toujours cette question d'équilibre sur une toile immense comme sur une toute petite. De rien. Est-ce que vous avez une autre question dans le public? Moi j'en ai une autre, si on a encore 2 minutes. Bien sûr, allez-y. Le travail des femmes artistes a été occulté au fil des siècles, ça c'est pas à démontrer, mais est-ce que vous maintenant, en tant que femme artiste, vous vous heurtez à des difficultés spécifiques? Jeune artiste, est-ce que c'est un problème qui se pose encore ou plus du tout? Et voilà, J'ai pas l'impression de trop ressentir ça pour l'instant, aussi parce que je suis d'une génération, enfin à l'école ça a toujours été, enfin pas dans nos profs par contre, c'est assez garçon, mais là il y a une vague quand même de jeunes artistes, enfin d'artistes femmes, je ressens pas vraiment ça, enfin, je me sens bien. Je sais pas toi. Moi ça m'est arrivé d'être avec d'autres artistes à aller dans une expo par exemple. Et c'est vrai qu'une fois, ça m'avait surpris parce que quelqu'un avait demandé ce que faisaient les deux hommes qui étaient à côté de moi comme travail. Et on ne m'avait pas demandé, et parce que j'accompagnais en fait un autre artiste. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des moments comme ça où on se sent un peu... on a envie de dire que voilà... je pense quand même que la femme artiste, c'est pas tout à fait, c'est pas encore suffisamment reconnue, et pas forcément nous, mais en effet celle qui était là avant, qu'on redécouvre, voilà, on se dit que là l'histoire a oublié quelque chose, enfin a oublié une moitié, quoi. Quand j'avais travaillé sur les portraits, enfin sur des tableaux d'histoire de l'art, je me disais, c'est vrai que finalement, ce qui peut faire l'histoire aussi, c'est ces femmes-là que tout le monde connaît dans la peinture, mais c'est des petites histoires dans la grande histoire, mais c'est vrai que la place, elle est encore quand même à défendre, et puis c'est aussi pour ça qu'on peint, et heureusement, et qu'on a cette chance en France aussi de peindre, voilà, parce que c'est pas partout pareil non plus, hein. Donc oui, il y a encore je pense des progrès à faire, et voilà. Merci beaucoup. Sur justement cette thématique de la femme, on pourra retrouver notamment la semaine prochaine Marie Morel, qui s'est extraordinairement intéressée à cette question, puisqu'elle a réalisé, je ne sais pas si on peut parler d'une fresque, mais une œuvre d'art qui rassemble plus de 400 femmes illustres que justement l'histoire a oublié, que ce soit des médecins ou des artistes. Donc voilà, cette question justement de la femme est aussi souvent sous-jacente, ou en tout cas elle pose énormément de questions pour nous aussi musée, puisque c'est vrai que l'historiographie n'a pas fait forcément la part belle aux artistes femmes, et on tente aujourd'hui en service de médiation et dans tous les musées en France et ailleurs de tenter de remettre à leur véritable place les femmes artistes, puisqu'elles étaient intégrées, je pense ici au musée Paul Dini, de l'autre côté justement aux avant-gardes, où les femmes, vous avez une section qui est consacrée aux femmes artistes et qui était bel et bien reliée justement à tous ces mouvements d'avant-garde autour de figures comme Jean Puy et tant d'autres. Donc voilà, c'est une thématique aussi très importante. Est-ce que vous avez une... On était nombreuses au vernissage. Effectivement, et aussi, voilà, et il y avait de nombreuses artistes femmes aussi au vernissage. Et puis en fait, voilà, c'est une question qu'on doit aussi tragiquement se poser. Aujourd'hui, voilà, on est quand même, on espère, dans une société où cette question de l'appartenance du genre... tant, on l'espère en tout cas, de moins en moins à se poser pour pouvoir juste apprécier l'artiste pour ce qu'il produit. Est-ce que vous avez une autre question qui pourrait fermer cette rencontre avec les artistes, la clôturer en beauté? Non? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Florence et Mylène? Merci au musée. Enfin, oui, merci au musée, parce que c'est vrai que c'est pas souvent qu'on peut parler... De sa peinture, et je repense aux femmes, enfin ce rapport au dire et au pouvoir, c'est aussi ça, c'est donner la parole, donc voilà, merci. J'adore l'idée de ce format là, enfin c'est assez innovant en fait, c'est génial, et même moi ça m'a permis de réfléchir à certaines choses que j'avais pas pensé avant, et merci beaucoup. Merci Florence, merci Mylène. Merci. Je vous réitère avec la plus grande sincérité tous les remerciements de toute l'équipe du musée. C'est un moment très fort aussi pour nous de pouvoir organiser ce type de rencontre, justement dans des parcours contemporains, un été contemporain justement, qui est devenu un rendez-vous justement tous les étés, de mars jusqu'à septembre pour les Journées du patrimoine. Et c'est très important pour nous de vivre des moments comme ça, plus fortement après la période, après le Covid, tout ce qu'on a vécu, ces instants clés qui resteront gravés dans nos mémoires, c'est aussi des instants précieux. Et voilà, et ça a été un plaisir de pouvoir être avec vous cet après-midi. Merci d'avoir été présent. Le dernier rendez-vous est la semaine prochaine avec trois artistes. On ne sait pas si on tiendra trois artistes femmes. On ne sait pas si on arrivera à tenir une heure et demie. Parce que... 8 femmes sur 9. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est le hasard, mais voilà. Mais dans les acquisitions récentes, voilà, les artistes femmes jouent aussi un rôle capital. Et voilà, on a déjà les yeux rivés sur la semaine prochaine, sur le prochain jeudi. Delphine Ballet, qui est une photographe. Isabelle Jarousse, qui réalise des dessins avec son propre papier qu'elle réalise elle-même. Et aussi Marie Morel, avec ses, justement, créations pleines de surprises, en tout cas avec plein de matériaux quotidiens et pourtant qui en disent beaucoup, avec cette écriture aussi qui se mêle aux œuvres. On sera ravis de pouvoir vous accueillir pour ce dernier moment. Effectivement, c'est sur les vacances scolaires. Il faut avoir une petite organisation personnelle, mais on est toujours ravis de vivre ces beaux moments avec vous. L'exposition, vous l'avez compris, elle se prolonge jusqu'en septembre aux Journées du patrimoine. Et il y a plein d'autres moments forts qui vous attendent. On a la Nuit des musées qui va arriver effectivement au mois de mai. Et puis des nouveautés, puisqu'on cherche toujours à accueillir le public le plus large possible. Voilà, donc merci de votre présence. Merci.